À l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire coréenne dans la guerre, les mass médias de divers pays ont fait des rédactions spéciales. Le comité brésilien de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée a présenté dans son homepage internet Marcha Verde un écrit titré « Le 27 juillet, journée de la victoire de la République populaire démocratique de Corée » avec la photo du dirigeant suprême Kim Jong-un et celle montrant la lutte héroïque des militaires de l'armée populaire de Corée pendant la dernière guerre. Le Cercle allemand d'études de la culture coréenne a publié dans la homepage internet de l'agence de tourisme MS la nouvelle de la réussite coréenne au lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type Phason 14 et les écrits sur l'esprit de défense de la patrie qui a permis de manifester l'héroïsme incomparable dans tous les combats acharnés de la guerre et de créer les miracles militaires étonnants et inouïs dans l'histoire de la guerre mondiale. La radio nationale cambodgienne a rapporté que grâce à la nouvelle ligne consistant à pousser simultanément le développement de l'économie et des armements nucléaires, la Corée est à l'apogée du développement des forces de défense nationales et a pu mettre fin à l'agression et à la menace nucléaire des États-Unis. La revue d'internet Nepal Today et le homepage internet de l'Association d'amitié avec la Corée de toute l'Inde ont inséré des écrits présentant en détail la défaite successive américaine dans la confrontation continue avec la Corée après la guerre.